C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. Prenez garde donc, afin qu'il ne vous arrive pas ce que les prophètes ont dit. Regardez, gens pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, on leur demanda de revenir au prochain jour du sabbat pour parler de ce même sujet. Après la réunion, beaucoup parmi les Juifs et parmi ceux qui s'étaient convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fermement dans la grâce de Dieu. Le jour du sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance : Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Car voici ce que nous a commandé le Seigneur : Je t'ai établi comme lumière pour les nations, afin que tu apportes le salut jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent et se mirent à louer la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans toute cette région. Mais les Juifs excitèrent celle des dames de la bonne société qui adoraient Dieu, ainsi que les personnages importants de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Les deux hommes secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Les disciples à Antioche étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.